nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Belle émotion de la lauréate du prix Fémina, ce 6 décembre 1945. Henri Sadorge, de la chaîne Nationale, était présent, micro en main. Contrairement aux habitudes, le prix Fémina, qui était décerné avant la guerre au cercle interallié, a été attribué au début de l'après-midi dans les salons de l'hôtel de Massa, résidence de la Société des gens de lettres. Vous imaginez, et vous connaissez l'atmosphère de fièvre qui entoure l'attribution des prix littéraires, et l'impatience des journalistes attendant le résultat. La secrétaire du jury vient de nous communiquer les résultats du quatrième tour. À ce moment, Madame Anne-Marie Monnet pour Le Chemin du Soleil et notre camarade Michel Robida pour Bottemery arrivent à égalité avec 6 voix chacun. Et en attendant le résultat définitif, qui maintenant ne saurait tarder, puisqu'il suffit à l'un des deux romanciers de gagner 1 voix, nous allons vous parler de leurs œuvres. Il nous est difficile de nous étendre sur Le Chemin du Soleil, puisque ce livre n'a pas encore été envoyé aux critiques, mais nous savons qu'il s'agit d'une histoire paysanne qui se déroule en Savoie. Michel Robida, dans Bottemery, traite l'histoire d'une famille de vieux socialistes, disciples de Proudhon, qui vivent et meurent sans renier leur passion dans un coin perdu de Bretagne, Bottemery. Et puisqu'il nous reste encore quelques instants, rappelons brièvement la composition du jury. Madame la comtesse de Chambrun, Madame Clémenceau Jacquemert, Madame André Cortis, Madame Fernand Greig, Camille Barbeau, Camille Méran, Catulle Mendès, Madame la Duchesse de la Rochefoucauld, Mesdames Saint-René Taillandier, Simone, Marcel Tiner et Hélène Vaccaresco. Mais voici que la porte s'ouvre et Madame Saint-René Taillandier, présidente du jury, vient nous communiquer les résultats. Eh bien, messieurs, après 5 tours de scrutin et une discussion animée, entretenu dans la plus grande cordialité, le prix Fémina vient d'être décerné à Madame Anne-Marie Monnet pour son roman intitulé Le Chemin du Soleil. Nous allons demander à Madame Martine Régnier, secrétaire du prix Fémina, de nous retracer les péripéties de l'attribution de ce prix. On a remercié vivement Madame Saint-René Talandier, qui quitte la présidence aujourd'hui, après avoir rempli ses fonctions pendant 6 ans, avec une compétence et un dévouement au-dessus de tout éloge. Puis, on a discuté certains articles du règlement. On a regretté, par exemple, que la parenté de Mme Simone, avec Vladimir Porcher, l'ait conduite à déclarer que celui-ci n'était pas candidat. Il a fait un très beau livre qui s'appelle « Les amours au Val-Espire ». Ensuite, on a parlé du dépôt trop tardif de certains livres. « De blanc vêtu » par Pierre Molène, dont la grande valeur avait retenu l'attention et suscité l'admiration de plusieurs membres du comité, a été finalement écarté parce qu'il n'était arrivé bien après le 10 novembre sur le bureau du comité. Alors on a voté. Au premier tour, voici les voix. Cité d'injustice a obtenu 2 voix. Nathalie, 1 voix. Bottemery, 3 voix. Ave Maria, 1 voix. L'Ange du Sabbat, 3 voix. L'Ornard du Levant, 1 voix. Et Le Chemin du Soleil, 2 voix. Au deuxième tour, Ave Maria est arrivé avec 2 voix. Bottemery avec 4 voix, L'Ornard du Levant 2 voix, Nathalie 1 voix et Le Chemin du Soleil 4 voix. Il y avait donc déjà égalité entre Bottemery et Le Chemin du Soleil. Au troisième tour, Bottemery a gardé ses 4 voix, mais Le Chemin du Soleil a eu 6 voix. Nathalie 1 voix, La Cité d'Injustice 1 voix et Ave Maria 1 voix. Au quatrième tour, Bottemery avait gagné des voix, il en avait 6. Le Chemin du Soleil en avait 6 également et Ave Maria en avait gardé 1 voix. Enfin, au cinquième tour, Le Chemin du Soleil a eu 8 voix et Bottemery 5. Donc, Le Chemin du Soleil a été proclamé. Eh bien, ma chère madame, la lauréate, je vous embrasse au nom de tous ces messieurs. Je vous assure qu'elle est très étonnée. Elle est très étonnée, très contente. Madame, s'il vous plaît, madame la présidente. Mettez-vous près, madame. On est trop près. Je vous prie. Oui, je suis là. Pas du tout. Non. Mais non, j'étais. J'ai dit que j'étais pas du tout près. Comme quand j'atteignais à une de mes belles montagnes. Voilà. À 4000 mètres d'altitude et tout est beau. On vous demande de le dire dans cet appareil, je crois. Cette altitude. Ah, mais, d'abord, je veux remercier. J'avais mis un petit papier. J'ai fait un petit papier tout à l'heure. Non. Je suis trop émue. Écoutez, madame, voulez-vous me dire dans quelles conditions vous avez écrit le livre qui va être couronné par le prix féminin? Eh bien, dans la solitude complète, dans les montagnes et l'hiver, et j'écrivais dans les champs de neige, j'écrivais toujours dehors, n'est-ce pas? Et jamais dans un bureau, parce que je ne travaillais pas le jour, je travaillais comme ça, en m'occupant de ma fille, en la sortant, en faisant des excursions de montagne, avec des bois très froids. Vous preniez des notes de temps à autre dans la... Mais tout s'écrivait comme ça, tout s'écrivait comme ça. Puis alors le soir, comme une abeille qui revient avec son pollen, avec je tâchais de mettre un peu d'ordre. Ben, voulez-vous parler plus particulièrement de votre livre alors, et non pas de la façon dont vous l'avez écrit? Je sais que vous l'avez médité pendant longtemps. Vous l'avez écrit sur un établi. Eh bien, à côté de votre fourneau de cuisine. Mais oui, une femme ne travaille pas du tout comme un homme, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Elle est tout empêtrée par la vie de son ménage, par la vie qui est la vie, et non pas le côté artistique qu'on sacrifie. Là, qui n'est pas du tout de la littérature. Je ne suis pas du tout une femme de littérature. Je ne suis pas du tout une femme de lettres. C'est la première fois que je suis, depuis mon mariage, que je suis dans une réunion depuis fou. Et je ne savais pas que jamais ça ne pourrait voir le jour. J'écrivais parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire. Comme un pommier qui fait des pommes, n'est-ce pas? Et puis aucun éditeur ne faisait bon accueil à des romans de la terre. On me disait, nous ne voulons pas de la paysannerie, et alors moi je répondais que je demeurerais fidèle à cette race qui était solide dans une civilisation que je sentais très menacée. Alors je sentais que c'était la base où il fallait s'accrocher et qu'il fallait un petit peu restituer à cette civilisation qui était tellement frappée. Une dignité, son caractère, et puis alors un sens édénique que la terre a, n'est-ce pas? Quand on est sur un flanc de montagne, eh bien, la vie a un autre sens que lorsqu'on est dans une ville. Dans un cabinet de travail. Et dans un cabinet de travail, je n'ai... Chez l'éditeur. Ou chez l'éditeur, non? Ou au prix féminin. Ou au prix féminin. Je n'attendais jamais à ce que je puisse... sortir avec mes paysans que je remorque derrière moi, comme une paysanne remorque son village, comme un traîneau qui devait me conduire pas du tout à ce jour-là. D'Henri Sadorge sur la chaîne nationale, le 6 décembre 1945, Anne-Marie Monet recevait le prix Fémina et parlait de son roman Le chemin du soleil, édition du Myrte. Vous pourrez réécouter cet entretien en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.